avec vous jusqu'à 22h. Michel Marco au microphone, comme d'habitude, avec Jean-Philippe Boisbriand, qui fait la mise en onde et le choix musical. Aujourd'hui, une émission éclectique, voilà. Avec, ça part de la musique de la Grèce antique, on s'en va avec du Zappa fait par des Finlandais, puis il y a du Tiger Lily, du Napoleon 14, même Ken Nordin vient faire un tour, Allen Ginsberg, et toutes sortes de choses en passant de Global Goon au Residence, et on y va maintenant. The idiot boy. Schools and go down there again. If I find out where I am, it's just blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah blah. They never stop. I'm a lonely schizophrenic. I'm friends with the Queen. All her lords and ladies, and the Arsenal. In Oh, I mustn't let you that loves me, love me. If I don't take my pill, then I won't be happy, then I'm not happy. You've got something to say, Monica. You want to go to that big church over there. Keep the vicar in case. Rip his hands off. Paintings. No, no, no, I mustn't listen to those voices all the time. They hate me. They hate me. They hate me. I hate myself. I can't work out. I'm lost again. It's getting dark as well. I've lost myself. I can't find the way home. I'm dying. I've wet myself. Stop! Schizoid is a motion picture of such biting, gnawing terror it claws at your brain. Schizoid, so mind-boggling, the following warning has been posted in the theater. Schizoid is not recommended viewing for persons with schizophrenic tendencies. Schizoid, the loss of reality, a personality split in two. It's terrifying, Doctor. This long corridor, and then thousands of bats attacking me. I run into a room. A woman is there. And I just plunge a dagger into her heart. Tell me it's a nightmare. Please, let it be a nightmare. Was it a dream, or was it real? Don't miss Schizoid, an American International Pictures release in color, rated R. Schizoid, it might even drive you out of your mind. This change in me, what can it be? Is it really true? If the answer is yes, then I confess, here's who I owe it to. Photogenic schizophrenic you, with your golden hair askew. I drool about your dual personality, 'cause I know that both of them are meant for me. Photogenic schizophrenic you, photogenic schizophrenic you. Your every mood is blue. You have gazed at no one else, I swear. You have told me by your vacant stare, add my name on your tattoo. Strapless hospital gown. Oh, I will swoon with you through all my life, 'cause they won't let me have a fork or knife. Photogenic schizophrenic, you and your new tattoo. Oh! Terrible is what it was. What you talking about? About this guy who had a hole in his ego. A hole? No, is that true? Yeah. Had a great big hole in his ego. What did he do? What did he do? Not a thing. Nothing he could do. Had a great big hole in his ego? Got to be he didn't even know it was there. Didn't anyone tell him? They wouldn't dare. Scared to tell him. Guess it, they thought he'd get mad. Take offense. Must have had a big one. It was a big hole. No, no, I'm at the ego. Oh, his ego was big too. Yeah. But the hole, people would look at him and they could see, gee, that guy's got a great big hole in his ego. So what happened? First time it hit him, must have been just a few seconds after he was born. Way back then. And the doc slapped him into breathing. From the very beginning, his ego began to leak out. Just a little at first. How much? Oh, not so much that anyone would say anything. Isn't he cute? Watching, you might think, isn't that something leaking out? That's his ego. Yeah. Drips and drops of it. Of course, that was when he was little. Before he got big. Now, it's a different story. Yeah. He's about as big as you can get. And so's his ego. Big ego. Sounds like trouble. Terrible trouble. A guy with a hole with his ego. The guy with a hole. Every waking moment. That hole pouring out ego. Conceit. Yeah. But you couldn't tell him that. No, no, no. You couldn't breathe a word about his ego. It caused some serious flooding, that hole. Couldn't say anything about it. Couldn't say a word. No, not a word. All you could do is watch. Look. Watch in wonder. Guy. At the guy with the hole in his ego. The hole in his ego. Yeah. There's a guy that had an ego. It just wouldn't stop. I knew a guy like that once. Everything about him said, hey, look at me. Look at me. I'm the top. He was the guy with the hole in his ego. Prophets have failed, their voices silent, ghost shouts in basements nobody heard, dusty laughter in family attics, nor glance them on park benches weeping with relief under empty sky. Walt Whitman, vivid local losers, courage to fat ladies in the freak show, nervous prisoners whose mustached lips dripped sweat on chow lines. Mayakovsky cried, then die, my verse. Die like the workers, rank and file, fusillated in Petersburg. Prospero burned his power books and plummeted his magic wand to the bottom of dragon seas. Alexander the Great failed to find more worlds to conquer. Oh, failure, I chant your terrifying name. Except me, your 54-year-old prophet, epicking eternal flop. I join your pantheon of mortal bards and hasten this ode with high blood pressure rushing to the top of my skull as if I wouldn't last another minute. Like the dying Gaul, to you, Lord of blind Monet, deaf Beethoven, armless Venus de Milo, headless winged victory. I failed to sleep with every bearded, rosy-cheeked boy I jacked off over. My tirades destroyed no intellectual unions of KGB and CIA in turtlenecks and underpants, their woolen suits and tweeds. I never dissolved plutonium or dismantled the nuclear bomb before my skull lost hair. I have not yet stopped the armies of entire mankind in their march toward World War III. I never got to heaven, nirvana, X, whatchamacallit. I never left Earth. I never learned to die. To you and your fuckhead asshole family. Best wishes to you, your fucking wanker, to your ugly fucking wife, and to your moron fucking children who look and smell like rats. And God's blessings be upon the disgusting shithole that you live in. prosper in all your pointless fucking labors. May you rise to the top of your stupid fucking tree until such point as you choose to come down and die. May your wife also be very fucking happy in all the idiotic, menial tasks that she performs. And may your children become equally fucking happy and fulfilled as they make their stupid way through life, like worms crawling in the dirt. Oh, fucking hell to you, my friend. Oh, bloody fucking hell. I raise a dirty glass of nothing to your good fucking health and continued fucking happiness. Ça commençait comme ça, les échangeurs d'air aujourd'hui. Plein de choses. Nemesis, c'était Gregorio Pagliacca et l'Atrium Musicae de Madrid. Il faisait sur musique de la Grèce antique. Un groupe qui a existé jusqu'au début des années 80, semble-t-il. Puis qui reprenait de la musique de la Grèce antique. Ensuite, ils ont repris de la musique médiévale, andalouse, des trucs comme ça. Beaucoup de musique ancienne, espagnole aussi, un peu plus tardive et tout ça. Avec ensuite Eduardo Paniagua qui, lui, a continué. Il y était toute une bande de Paniagua dans ce groupe. C'est ça qui jouait toutes sortes d'instruments anciens. Et tout ça. Et c'est vraiment très chouette. The Idiot Bastard Song. Ensemble Ambrosius sur le Zappa album de 1999. On s'est interrogé, probablement que Zappa aurait aimé ça. Alors c'est un groupe de Finlandais qui font de la musique moderne avec des instruments baroques. Puis ils ont décidé de faire un album de Zappa à un moment donné. Puis ça sonne bien. Surtout, ça vaut la peine quand vous réécouterez l'émission en balado d'écouter les paroles et de penser à quelqu'un. Un homme politique quelconque. Ensuite, c'était Fug on Donald Trump is a Wanker de Ben Como. C'est uniquement disponible sur YouTube. Puis Ben Como, bon, c'est un compositeur londonien, un pianiste, un organiste, un arrangeur. Puis il fait du musique classique, du jazz et bien d'autres choses. Puis il a décidé de faire cette petite fugue en l'honneur d'un président américain récent. Lonely Schizophrenic, c'est de Tiger Lilies sur un album qui s'appelle Punch and Jelly de 2004. The Tiger Lilies, c'est beaucoup Martin Jack, qui joue de l'accordéon, qui chante aussi. Puis c'est vraiment un genre de cabaret. Ça fait effectivement, on décrit cabaret brechtien. Ça fait assez ça. C'est assez fort. Il y a des gens qui disent que c'est le chaînon manquant entre Tom Waits et les Monty Pythons. Ce qui est un peu moins vrai, disons. Mais cabaret brechtien, ça correspond bien à ce qu'ils font. Napoleon 14 nous faisait Photogenic Schizophrenic You sur They Are Coming to Take Me Away, Ha Ha, de 1966. Napoleon 14, Jerry Samuels, qui s'appelait Gerald Samuel, puis qui a aussi chanté sous un autre nom aussi, qui a dit des choses très drôles dans sa vie. On en écoutait pas mal à une certaine époque. Puis maintenant, ben, c'est un peu tombé dans l'oubli, Napoleon XIV, et c'est un petit peu dommage parce qu'il y a de bons trucs là-dessus. Ken Nordine nous faisait All in Diego sur A Transparent Max de 2001. Ken Nordine, c'est la voix de plein de publicités, de narrations diverses et aussi beaucoup de talk-over, de voice-over ou de word jazz. C'est ça. Alors, il chante des poèmes, de la poésie, des trucs, parfois Edgar Allan Poe, des trucs comme ça, sur du jazz, et ça sonne bien. Hard to Failure, c'était Allen Ginsberg qui nous faisait The Lion for Real de 1989. Allen Ginsberg, bon poète, vraiment iconoclaste et qui a défendu des positions relativement indéfendables par moment, mais aussi a laissé une œuvre extrêmement importante. C'est devenu lui aussi un juif bouddhiste, à un moment donné, un peu comme Leonard Cohen, par exemple, tout ça. Puis il a fait des trucs qui ont beaucoup marqué son époque. On a terminé avec Michael Middleton et David Shrigley qui nous faisaient un toast sur Music and Words. Puis je sais pas si on pourrait vraiment éditer les paroles seulement de cette pièce-là. Il y a on sent qu'il y avait une certaine antipathie pour un certain mode de vie. Possiblement. Alors, lui, c'est un Malcolm Bruce Middleton. Il est né en 73 à quel endroit? À Dumfries, en Écosse. Puis, en fait, bon, je sais pas pourquoi on dit origine de Falkirk. En fait, il a été élevé là-bas. Puis, c'est vraiment très, très chouette. Il a fait beaucoup de choses avec un groupe qui s'appelle Arad Strap, avec Aidan Moffat. Puis, c'est des trucs qu'on a déjà mis, il me semble, avec Aidan Moffat. Puis, il a travaillé avec Smog, Will Holdham. Puis, c'est beaucoup de bonnes choses dans son cas. Mais, comme je dis, quand la balado repassera, écoutez les paroles attentivement. Vous verrez que c'était pas gentil. Alors ensuite, on s'en va faire un tour de quoi? Ah, des Residents, Global Goon et bien d'autres choses. Thank you.

Bye. angels drank with us. We were in wonder, in a place like no other, where it's in perfection, love, our hearts were full of you. Transport fumes and cigarette smoke and bad breath. People pushing and rushing to get where they're going. No space to breathe, to express yourself, to connect meaningfully. Feels oppressive, claustrophobic, like a panic attack. Made me think about the need for us all to take more care, slow down, be more mindful of ourselves and each other. Give each other some space, some thoughtful attention, some mutual support. To just think more about the world around us, take responsibility, recognize its beauty and the damage we do to it, to breathe life into ourselves and each other, and allow the world more space to breathe naturally too. Nous avançons, nous avançons. Gunther Fischer. C'est lui qui fait ça. Oui, les échangeurs d'air, et de tout avec vous jusqu'à 22h. Voilà. On a eu un petit bloc assez amusant qui commençait par Rest Area. C'est The Residents sur Meet The Residents. D'ailleurs, si vous allez sur notre blog échangeur.blogspot.com, vous allez voir que Jean-Philippe a mis des photos de Rest Areas. Comme ça. Ça fait joli. Ça fait joli. The Residents, c'est drôle parce que, on se rend compte, finalement, ça fait 50 ans. 50 ans que ça existe. Moi, je les ai connus au début des années 80 ou fin 79 dans ces eaux-là. Puis tout à coup, on se rend compte que ça fait 50 ans. Moi, j'ai beaucoup décroché à partir même, je dirais, des années 80, fin des années 80, à un moment donné, avec des trucs Mark of the Mole ou des choses comme ça que j'aimais moins. Mais c'est peut-être fait des trucs intéressants à côté desquels je suis passé. Comme dit Jean-Philippe, les premiers 78 tours étaient vraiment excellents. Ensuite, on est passé à Gobbledoon qui nous faisait. Bon, je veux dire, c'est sur l'album Rivers de 2015. Puis comme ça s'écrit Bowsd, c'est ça, B-O-E-W-S-D-F. Alors, ça fait Bowsd. Voilà, ça se prononce comme ça. Gobbledoon, on sait d'où vient, mais on sait pas c'est qui. Voilà, alors il est né en 67, semble-t-il. Il viendrait du Merseyside, en Angleterre. On a pensé que c'était Aphex Twin, tout simplement, qui changeait de nom pour d'autres projets. Puis finalement, il aurait été un coloc de Richard D. James, Aphex Twin. Donc, on ne sait pas vraiment comme ça, mais c'est vraiment très agréable à écouter Gobbledoon. C'est un type qui est un programmeur, en fait, au départ. Alors, il s'intéresse beaucoup à tout le petit bricolage électronique et ça donne de très bons résultats. Sonara nous faisait Hop Along sur The Saddle of the Increase de 2017. Dans son cas, Sonara, c'est un type du Texas qui vit à Long Beach. Il a été longtemps associé à la compagnie Not Not Fun Label. Il continue toujours. En fait, il a été assez prolifique à un certain moment, en 2010 et 2011. Maintenant, je ne sais pas s'il produit toujours autant, mais ça a l'air qu'il a sorti plusieurs trucs quand même. Pas un album par année, mais pas très loin de ça. Et son nom, Sonara, Ara, c'est un mot tagalog qui veut dire soit son ou dé. Alors on peut l'appeler son ou son dé. Voilà, c'est à peu près la conclusion la plus intéressante qu'on peut avoir sur son nom. Lui-même considère que c'est son dé. Voilà. Alors, c'est mieux de savoir ce que lui considère que le journaliste. Thinking Plague nous faisait Love sur In This Life. Alors, c'était un extrait parce que c'est un petit peu plus long que ça. Groupe rock avant-gardiste américain depuis 1982. En fait, il y a un des principaux musiciens, c'est Mike Johnson, qui était avec Bob Drake au début de la formation. C'est drôle parce que c'est un type qui répondait à une annonce parue à Denver à la fin des années 70, tout à coup. Hein? Alors, on voyait ça assez régulièrement. Cherche guitariste, beau cul, souple. Ça, c'est une blague que vous retrouverez si vous écoutez Ferdinand Richard. Beau cul, souple, travailleur. C'est ça, il avait répondu. Ils sont inspirés pas mal de rock progressif, semble-t-il, mais de bien d'autres choses aussi, de musique classique. Et de voilà, je regardais l'heure tout à coup et je me suis dit, ah, c'est une belle heure pour parler de l'orchestre tout puissant Marcel Duchamp et Bête Féroce, qui est la pièce du disque Sauvage Forme de 2018. Et c'est Vincent Berthollet qui a décidé d'élargir encore plus l'horizon de l'orchestre tout puissant de Marcel Duchamp parce qu'ils ont ajouté vraiment beaucoup de monde. Alors, ils n'ont pas doublé l'orchestre, mais peut-être, en fait, ils sont maintenant 14. Et ça ajoute des voix, ça ajoute des guitares. Le producteur John Parrish semble être un membre important du concept. Puis, c'est vraiment très chouette. Vraiment beaucoup de bonnes choses sur ce qu'on entend de l'orchestre tout puissant de Marcel Duchamp, qui existe depuis maintenant à peu près 13 ans. On en met régulièrement et nous n'arrêterons pas. Soyez-en convaincus. Qu'est-ce qu'il nous reste à entendre au dernier bloc? Ellie Witch, Death and Vanilla, un peu de Jarhead, Kikagaku Moyo et quelques autres trucs. Et on y va presque maintenant. Thank you. to happen. And this is what happened. Sudden explosion. And there were colors and movements here and there. And in the sky, a como un boom, pero hubieron muchas otras, pim, pum, pam, pum, pam, y fue el universo. Pedacitos por aquí, pedazotes por allá, volando, saltando, en espiral, en zigzag, arriba, abajo, izquierda, derecha, afuera, adentro. Sucediendo. No, no había nadie para verlo. Pero entonces, ¿cómo puede saber si existía? No, no había. Y eso es lo que es. Eso es todo lo que hay. Ha! Ça finit bien. Je peux vous dire que Benoît Arcand est là, tout prêt à faire terrain vague. Et nous, c'est déjà tout. C'est déjà tout pour nous, oui. On a terminé avec toutes sortes de choses. Hayley Witch nous faisait Heart of Darkness October, un truc paru en 2018. Trois dames qui se sont promenées beaucoup avant de sortir un disque. Elles sont bon, elles font un genre de rock parfois garage et parfois plus sophistiqué comme ça, et elles se sont promenées un peu partout en Amérique, en Europe, alors beaucoup de scènes avant de sortir un premier album qui est bien réussi et qu'on met quand même une fois de temps en temps comme ça, ou du moins on en met des extraits. Ensuite, Death and Vanilla nous faisait I Bath sur Are You a Dreamer de 2019. Eux, ils sortent de où? C'est un groupe de Suédois originaire de Malmö. Puis on fait, bon, ils produisent des trucs depuis la fin des années 2000. Puis ce sont des amateurs d'instruments vintage, des Moog, des mélotrons, des vibraphones, ça. Puis on parle de rétrofuturiste, ce qui est assez, pourrait être considéré comme vrai dans certains cas, ou de dream pop. Ou de néo-psychédélisme, ça commence à faire beaucoup, disons tout simplement. Vous nous connaissez dans notre classement de musique, c'est post-punk. Voilà, ça simplifie toujours tout. Jawhead nous faisait Goer Song sur Widow Shins de 2019, pardon. Et lui, c'est drôle, il a choisi son nom. Son nom signifie weirdo dans le slang de Birmingham. C'est un type qui s'appelle d'abord Stephen Bird. Il a été dans les Television Personalities, Swell Maps, bien d'autres choses aussi. Alors, on en avait déjà mis. C'est une question que je me pose. On est passé à Can You Imagine Nothing de Kikagaku Moyo sur Kikagaku Moyo de 2013. C'est très drôle. Si vous allez sur leur Wikipédia, vous allez voir une photo d'eux à la Casa del Popolo à Montréal aussi. Alors, il y a Go Kurosawa qui chante et qui joue de la batterie, Tomo Katsurada, qui sont vraiment les deux leaders, les deux fondateurs du groupe depuis 2012. Ensuite, nous sommes passés à Sundays and Cybele, la pièce Diaspora sur Gypsy House de 2015. Et eux, on pourrait presque dire lui, c'est surtout au départ Kazuo Tsubushi, qui est un type d'Hokkaido qui vit maintenant à Tokyo, qui a amené d'autres personnes avec lui, puis qui font toutes sortes de styles de musique différents. Ça passe de quelque chose qui a l'air trance rock au dub, folk rock, etc. Et c'est post-punk, ça aussi. Morgan Delt nous faisait The Age of the Birdman sur Phase Zero de 2016. Morgan Delt, c'est un type qui aime beaucoup faire quelque chose qui a l'air psychédélique et qui est assez vintage aussi par moment. Il aime avoir des fuzz, puis de l'écho, puis de la réverbération pour que ça soit planant. Et on aime ça. Voilà, j'ai fait close tabs, ce qui veut dire que tout ce qui reste à faire, c'est vous dire à la semaine prochaine.